Un invité unique, une liste de 10 morceaux de musique, une heure pour en parler, c'est La Liste, une émission de radio diffusée par Campus FM, présentée par Joe Kangourou, réalisée et mise en onde par Thomas Delafosse. Et la liste de ce soir est celle de... François Petit de Samar Balouf. Bonsoir François Petit. Bonsoir. Vous êtes un enfant du Nord installé à Toulouse depuis le milieu des années 2000. C'est l'écoute, dites-vous, de Harvest de Neil Young qui déclenche chez vous l'envie de jouer de la guitare. Un apprentissage que vous commencez en autodidacte et que vous mettez ensuite en œuvre dans vos deux premiers groupes tout en prenant des cours au CIM. Le CIM, une école de jazz et de musique actuelle, genre musical, mais à Paris. Puis c'est la rencontre à Lille avec l'accordéoniste Arnaud Van Lancker qui vous initie au swing manouche et avec qui vous montez Swing Gadget. Vous y jouez pendant 6 ans avant de partir à Amiens où vous créez le groupe Samara Balouf à la fin des années 90 suite à l'animation de 3 soirées musicales dans un CAFCONS amiénois lors d'un festival de films sur les Tziganes. Balouf, Samara Balouf. Balouf pour le bal des fous et Samara, l'antique nom de la rivière Somme. Avec ce groupe, vous vous faites très vite repérer dans la région Picardie. Le groupe se stabilise autour d'un trio qui vous associe à Pierre Margerin à la deuxième guitare et à Luc Ambry à la contrebasse. Samara Balouf, groupe instrumental de swing acoustique et de jazz manouche qui se produit alors un peu partout dans l'Hexagone et même au-delà, comme dirait Buzz l'éclair. Tournée mexicaine, canadienne, européenne, américaine, où vous irez jouer plusieurs fois par an pendant 5 ans. 15 ans de concerts, 4 albums, un DVD et puis pause. Arrêt du groupe. Le temps pour vous d'imaginer le Balouf, une extension de la musique de Samara Balouf qui s'ouvre alors aux musiques du monde. Une formation pour une dizaine de musiciens. Également, vous créez le Little Balouf, la version plus resserrée du Grand Balouf qui se produit principalement dans la région toulousaine et qui se veut un peu plus chanson. À la même période, on vous voit beaucoup tourner en duo avec le guitariste Serge Lopez, une collaboration qui continue. On parle d'ailleurs de l'enregistrement d'un concert que nous sommes nombreux à attendre. Vous commencez également à écrire le répertoire d'un quartet, une commande du collectif de musiciennes des Hauts-de-France Tirolaine, quartet qui verra le jour sous le nom de François Petit Quatette, avant de remonter finalement Samara Balouf qui enregistrera depuis 3 ans 2 nouveaux albums, le dernier Nono Futur sorti en 2020 et dont nous venons d'écouter Nos Futurs. Et puis, avec ce groupe, vous avez fêté en mars et en avril dernier, lors d'une tournée des Grands-Ducs, dans 13 salles toulousaines différentes, 25 ans d'aventure musicale échevelée. Rajoutez à cela votre intérêt pour la lutherie. Il se dit que la guitare qui vous accompagne et qui vous a accompagné pendant une 20aine d'années était de votre fabrication. Rajoutez également vos collaborations avec Loïc Lantoine ou Agnès Jaoui, vos compositions pour le théâtre ou la danse, et voilà dressé le portrait d'un musicien débordant d'activité. Un musicien qui nous amène ce soir une liste de 10 morceaux qui ont beaucoup compté pour lui, histoire de revenir sur ce parcours foisonnant. Avant de commencer cette liste, François Petit, 2-3 choses à rajouter ou on laisse le décompte ? Ah ben, j'ai rien vu passer. Eh ben, parfait. De tout ce que vous avez dit. C'est peut-être comme toute votre carrière, vous ne l'avez pas vu passer. Allez, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et votre liste, François Petit, commence avec ce morceau de Matelot Ferré, Dzinganskaya. Pourquoi ce morceau qui débute? Écoutez, en fait, mon père aimait quand même beaucoup la musique. Il avait son meilleur ami qui était un fan de Wi-Fi. De Wi-Fi, ouais. Et un jour, je devais avoir 8-9 ans. On était chez donc, ce fameux ami. Il a passé ce disque-là et je crois que c'était mon premier frisson musical. Ah ouais, voilà. Sur la chaîne Hi-Fi du copain de votre père. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on écoutait à la maison? C'était plutôt de la musique classique, Van Caravan, des choses comme ça, et de la musique mexicaine aussi. Ah ouais. Ouais, mexicaine. Mais bon, c'était pas non plus de la grande... musicologie, mais bon, la musique était présente. Ma maman était une fan de Jean Ferrat, voilà. Donc les chansons de Ferrat traînaient aussi dans l'air de la maison. Oui. Et lorsque vous écoutez ce morceau de Matelot Ferré, ça déclenche quoi chez vous ? Il y a déjà ce petit intérêt pour la musique tzigane ? Ben non, en fait, non. Pas du tout. Il y a même pas d'intérêt. À l'époque où j'entends ça, il y a même pas d'intérêt pour la musique. Ouais. J'étais très mauvais à l'école, très mauvais dans les cours de musique. Mais bon, je sais pas, il y a Matelot Ferré, quand j'ai entendu ses valses, quand j'ai entendu j'avais l'impression d'entendre pleurer une guitare. Ouais. Et c'est vrai que c'était vraiment un premier frisson musical. Voilà. On va écouter le deuxième frisson musical de François Petit. Deuxième morceau de votre liste, François Petit, Neil Young avec Harvest, extrait de l'album éponyme, sorti je pense en 71 ou 72, qui a été le livre de chevet d'une grande partie des adolescents de cette époque-là. Ils devaient traîner pas très loin d'un Beatles, d'un Rolling Stone et sans doute d'un Jimi Hendrix. C'est vrai que cet album de Neil Young, c'est un monument. Alors moi, en fait, je l'ai même pas découvert dans sa version, originale. J'étais en colonie de vacances. Je devais avoir 13-14 ans. Et il y a un des moniteurs voilà, qui l'a chanté avec sa guitare. Et j'adorais. Et quand je suis rentré de colo, j'ai dit qu'à Noël, j'aimerais bien avoir une guitare. Voilà. Ah ouais, ouais. Ça a commencé comme ça, la guitare. La guitare, c'est parti à l'écoute d'un moniteur qui jouait Neil Young lors des veillées de colonies de vacances. C'est exactement ça. À l'époque, il y avait aussi Dire Straits, là, Sultan of Swing, ouais. Mais c'était Neil Young. Oui, j'aimais bien Sultan aussi, mais Neil Young, vraiment, c'est ce qui m'a donné envie. Je trouvais ça simple, beau, touchant et... Et ça me suffisait. Voilà. Vous me disiez que c'était un album que vous continuiez à écouter régulièrement. Oui, mais je l'écoute régulièrement. Ah ouais. Mais c'est, de toute façon, Neil Young, il a une discographie, c'est dingue. Ah oui, ça, surtout depuis qu'il s'est mis à ressortir ses fonds de cuve. Ah oui. je ne suis pas spécialiste. Ses fonds de studio où chaque année, il en ressort deux ou trois et on découvre des pépites. C'est dingue. On découvre des pépites. Ah oui, c'est dingue. Et puis engagé, artiste engagé, non, c'est... Enfin, voilà. C'est quoi qui vous plaît chez lui ? Outre son jeu de guitare, c'est la simplicité ? C'est la simplicité, c'est sa voix, les paroles. J'en ai fait traduire certaines parce que j'ai beau avoir beaucoup joué aux USA, je parle anglais comme... voilà. Et puis... oui, voilà, c'est ça, une guitare sèche et t'envoies des sentiments, tu fais rêver les gens, c'est fou. Vous aviez 15 ans à l'époque, on se dit quoi lorsque on écoute Neil Young et qu'on dit allez, je vais acheter une guitare ou je vais me faire acheter une guitare, c'est pourquoi ? C'est pour reprendre Neil Young, c'est pour impressionner les copains, c'est déjà en se disant je veux être musicien ? Alors en fait, c'est vrai que les deux premiers accords que j'ai appris à la guitare, eh ben j'ai dû directement composer une ou deux chansons. Ouais. En fait, je me suis rien dit. Ici, à mon avis, ce que j'ai dû me penser, c'est que ça avait l'air simple, ça semblait simple, et donc je pouvais éventuellement le faire pareil. Donc c'est comme ça ça m'a donné envie. Voilà, a priori. Et après, il a fallu apprendre la guitare. Et le morceau qui suit, c'est peut-être un des éléments de cet apprentissage. « Marcel Dadi, le derviche tourneur, puisque au fur et à mesure, ce morceau qui est assez répétitif va accélérer le rythme jusqu'à devenir une locomotive à folle les balais sur une grande ligne droite. Marcel Dadi, je le disais, c'est peut-être le début de votre apprentissage à la guitare ? Ah ben c'est exactement ça. De toute façon, moi j'habitais à la campagne, isolé de plein de choses. Quand on m'a parlé de la méthode à Dadi, les tablatures, pas apprendre le solfège, j'ai dit « ouais, je prends ». Et voilà. Et en écoutant ce morceau-là, comme je racontais, je me souviens encore de la première fois où j'essayais de faire séparément les basses. Pom, pom, pom, pom, pom, voilà. Mais c'est dingue, Marcel Dadi, il a, je sais pas, le nombre de millions de guitaristes qui ont dû... Ah oui, qui se sont bousillés le bout des doigts sur ses tablatures et sur sa méthode. Une méthode qui avait au moins cet avantage, comme vous le disiez, de pas avoir besoin de savoir le solfège pour la lire. Au lieu d'avoir 5 lignes comme une portée normale musicale, là il y en avait 6, c'était une par corde. Et à partir de là, il y avait le positionnement des doigts et des barres qui reliaient le positionnement des doigts pour donner le rythme. Les numéros des cases, voilà, et voilà, ça suffisait. Après, par contre, il fallait les déchiffrer et ça, c'était du boulot. Après, il fallait essayer de les faire pas trop mal. Ça veut dire quoi ? Vous étiez dans votre petite chambre d'adolescent et vous passiez du temps à vous bousiller le bout des doigts sur cette méthode ? Ah bah c'est exactement ça, ouais. Ouais. C'est exactement ça. Le disque, la méthode, la guitare. En plus, c'est une guitare classique, alors là, c'était encore... Non. Parce que là, les écarts étaient d'autant plus augmentés. Et je peux même raconter un petit truc, c'est que en fait, mes parents étaient désolés parce que j'étais pas bon à l'école, parce que je faisais rien, parce que j'étais pas... Et en fait, quand ils m'ont vu me passionner à quelque chose, ma mère, après, plus tard, elle m'a dit, on s'est tous les deux dit, ouf. Et donc voilà, c'est la guitare. Vos parents travaillaient dans quoi ? Alors, ma maman était secrétaire et mon papa était représentant multicarte. Ça veut dire qu'il n'était pas souvent à la maison. Il n'était pas souvent à la maison. Non. À cette époque-là où vous commencez à jouer de la guitare, très vite arrive l'idée que vous pouvez aussi jouer avec d'autres. Et vous montez des groupes assez rapidement ou pas ? Ben non, parce que je vous dis, j'étais à la campagne. Ouais. Donc en fait, tous oui, les mais vous autres, alliez quand même à l'école et au collège. Oui, mais c'était à la ville. Alors ouais. Du coup, donc, c'est venu un petit peu après les groupes. En fait, il y a eu tout un apprentissage qui s'est fait avec grâce à. C'était les premiers magazines de guitare. Donc il y avait Guitariste, il y avait je sais plus quoi. Guitare Magazine. Et donc, ben, c'est là que j'ai commencé à découvrir les autres styles, le blues, le rock, le folk et tout ça, quoi. Et les groupes, après, bah, en fait, c'était toujours délicat parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de bus que maintenant. Et donc, il fallait s'organiser avec les parents pour... Pour pouvoir répéter. Pour pouvoir répéter, il fallait faire 30 kilomètres. Bon, c'était pas simple. La musique, vous l'écoutiez comment ? Vous alliez acheter des albums, des vinyles à l'époque ou des cassettes ? Voilà, c'est exactement ça. Ou c'était la radio ? Non, vinyle, cassette. C'était par rapport au magazine, ils disaient oh, ça faut écouter, c'est vachement bien, donc j'allais... Avec un disquaire à Lille, c'est ça ? Ah non, là c'était à Reims. À Reims. Ouais. Très bien. Autre ambiance, la bossa, la musique brésilienne, avec Baden Powell sur ce morceau Canto de Osania. La musique brésilienne que vous découvrez comment ? Eh bien, toujours pareil, Guitar Magazine, un truc dans le genre-là, oui. Je me dis, mais c'est quoi ces accords ? C'est quoi ces rythmes-là ? Et puis on est en me procurant un disque, une cassette. Quand j'ai entendu ça, je suis tombé fou amoureux, quoi. Pour moi, dans la musique brésilienne, il y a la science, il y a la virtuosité, il y a la délicatesse, il y a la beauté, il y a la poésie. C'est une drôle de façon d'appréhender la musique, d'abord par des articles dans les journaux, avant d'aller découvrir ce qui est écrit dans le magazine. Bah oui, mais quand vous êtes tout seul à la campagne... Qu'il n'y avait pas Internet. Et qu'il n'y a pas Internet. J'ai connu seulement le début du Minitel. Il ne donnait pas de renseignements sur la musique. Non. Non. Donc, la musique brésilienne, vous y êtes plongé après à fond ? Ah oui. Et d'autant plus après, quand je suis allé à Paris, j'ai joué avec. J'ai accompagné des chanteuses brésiliennes, j'allais à tous les festivals où il y avait une plume de Brésiliens. Mmh. Voilà. Oui, puisque pour votre trajet géographique, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes né à Reims, vous êtes parti à Paris dans cette école de musique, le CIM à Paris, pour monter à Lille et puis redescendre un tout petit peu à Amiens avant d'arriver à Toulouse. Ça fait un parcours géographique, assez tortueux. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est la vie qui... Quand vous partez au CIM pour étudier, vous aviez déjà une longue pratique de la guitare en autodidacte. C'est quoi ? C'est à la fin des études, vous convainquez vos parents de vous laisser partir ? Ben non, en fait, c'est ça. J'avais mon CAP d'ébéniste. Et puis, on me proposait une place sur Paris de photograveur. Ah ouais. Et ça me permettait de pouvoir aller à l'école au CIM. Et ça a duré un an. Et, voilà. et donc là, vous apprenez quoi ? Alors là, j'apprends plein de trucs. J'en sors avec plein la tête. Et en fait, même un peu trop d'ailleurs, parce que ça m'a dégoûté de la musique, en fait, cette histoire. Ah ouais ? Oui, parce qu'en fait, je trouvais que... Il y avait un truc que je comprenais plus trop, j'avais plus autant de plaisir, je retrouvais plus le plaisir des premiers instants. Quoi. Et je comprenais pas pourquoi, et c'est en montant à Lille et en rencontrant Arnaud Van Lancker que j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en fait, tout simplement parce que dans les écoles de musique, on t'apprend à faire de la musique d'une façon quasiment que cérébrale. Et puis moi, ça me manquait le côté... Pratique. Physique, ah. Physique. De ressentir la musique aussi dans le cœur. Voilà. Vous le disiez, vous avez une formation d'ébéniste et vous vous intéressez très vite à la lutherie, au point de construire vos guitares. C'est un moment de votre vie qui a été important ? Oui, c'est un moment assez magique parce que... j'avais un bon copain, Patrick Crête, qui était luthier à Reims, de violon, qui était aussi qui avait du sang manouche, et qui avait commencé sa carrière en faisant des guitares manouches. Et je suis resté 2 ans chez lui, et voilà, donc je me suis construit 2 guitares chez lui. Ah. Et heureusement qu'il était là pour m'aider. et des guitares que vous avez gardées très longtemps ? Y en a une, la guitare classique, elle est toujours chez moi. Mais la guitare manouche qui a fait... Une vingtaine d'années ? Je l'ai écrasée avec ma voiture. Aïe ! Voilà. Et ça, d'habitude, on ne s'en remet pas. Voilà, en attendant les chanteuses. la lutherie, c'est quelque chose qui vous intéresserait encore de non. reprendre ? Non, franchement. Ouais. Non, franchement. Si je devais me remettre à toucher du bois, je pense que ce serait plus à faire de la sculpture ou des choses comme ça que... Que des instruments de musique. Ouais, que des instruments de musique. We'll be right back. AC/DC. Alors là, vous allez m'expliquer comment ce groupe de hard rock australien se retrouve dans votre liste. Ben, en fait, dans mon parcours autodidacte, avec ma guitare classique, j'ai un peu tout fait à l'envers, en fait. Et un jour, j'étais chez un ami qui écoutait AC/DC, il y avait une guitare. Et je me suis, et pour moi, c'était pas le même instrument, quoi. Et puis, je me suis aperçu qu'on pouvait jouer à AC/DC avec une guitare classique. Et en fait, et c'est vraiment le premier groupe de rock'n'roll que j'ai écouté énormément. Et après, là aussi, vous tombez un peu comme la bossa. Lorsque vous en écoutez un premier morceau, vous plongez dedans. Le rock, ça a été pareil. Pas autant que la bossa, mais en même temps, dans le côté rock, il y a encore cette chose que je vous dis qui m'avait manqué avec le jazz, et c'est le côté physique, voilà, le côté énergie, le côté énergie. Voilà. Énergie que l'on retrouve, que l'on va retrouver dans le morceau suivant, mais une énergie qui est nettement plus, j'allais dire, classique. Vous disiez tout à l'heure que à la maison, on écoutait Ferrat, on écoutait des chanteurs comme ça, mais on écoutait aussi de la musique classique. Et là, je suppose que le morceau qui suit, c'est peut-être un des morceaux que vous avez entendu adolescent à la maison. L'ouverture de Tannhauser, un opéra de Richard Wagner. C'est ce style de musique que votre père écoutait ? Non, pas du tout. Ah. Non, lui, c'était plutôt, je vous dis, plutôt des Chopin. Moi. Ouais, musique plutôt romantique. Oui, voilà, il avait son chef d'orchestre favori qui était Mantovani à l'époque. Il avait plein de CD de lui. Tannhauser, là, première fois que j'ai écouté ça, c'était à la médiathèque. Pareil, ça m'a bouleversé, en fait. Et c'était, pour le coup, c'était plus tard, je devais avoir dans les 35 ans. Ah. En fait, pour vous dire vraiment que, comme quoi j'ai vraiment tout fait à l'envers, c'est que les trois quarts des musiciens commencent par le conservatoire, le solfège, et moi, en fait, non. Là, je suis en train, en ce moment, d'apprendre le solfège. En ce moment, à 56 ans. Et Wagner, l'ouverture, là, je la trouve folle. Elle est belle, quand ça pète, pour moi c'est du rock'n'roll. Ouais, ouais. C'est du rock'n'roll. 35 ans, lorsque vous découvrez ce morceau, Samara Balouf était déjà sur les rails. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ce morceau-là, il m'a accompagné sur les routes pendant une paire de kilomètres. Pendant longtemps. La musique, comme ça, pour vous, c'est aussi quelque chose qui accompagne les moments de la vie quotidienne ? Ben en fait pas trop, parce que j'en ai tellement dans la tête, en fait. En fait, c'est vrai que j'ai toujours des mélodies à composer, donc j'écoute pas beaucoup de musique. Je me fais des grosses sessions, en fait. Vous voulez pas vous polluer la tête ? C'est pas que je veux pas me polluer la tête, c'est que des notes, j'en ai plein la tête. Non. Mais en même temps, quand là, on m'a offert un abonnement justement pour une plateforme, là. C'est vrai que j'ai pris je me fais des séances de une heure d'écoute, je me fais un plaisir aléatoire, et j'écoute de tous les styles, et à chaque fois, je suis quand même toujours surpris, toujours. François Petit, on revient au rock'n'roll. Pour ce morceau, vous aviez 13-14 ans à peu près. Alors en fait, c'est mon premier concert de rock'n'roll. Ah ouais, hein. Donc Téléphone, Hygiaphone, qui était contenu dans le premier album de Téléphone. Premier concert. Je devais avoir 16 ans, 17 ans, ouais. Avec en première partie Bill Baxter. Waouh. Qui chantait « Petit avec des grandes oreilles ». Il est petit, petit, avec des grandes oreilles. Ben oui, voilà, ben, toujours pareil, c'est... C'est quoi ? C'est l'énergie là qui était dégagée par le groupe qui vous a emballé ? Et puis le public était fou, qui était, il y avait, c'était donc à Reims, de voir le public en transe comme ça, puis de toute façon ça chauffait tellement, c'était des bêtes de scène quand même. Puis c'était mon premier concert de rock'n'roll. Ouais, et ça, ça marque. Ouais. Bah oui, ça marque. Ça marque. La scène qui est un lieu important pour vous, c'est un endroit que vous appréciez, c'est un endroit où vous vous sentez à l'aise ? Ah oui, carrément. Ouais, carrément. En fait, quand j'ai quitté Swingager, Novan Lanker, là, je me suis demandé un peu... pourquoi je voulais faire de la musique. Et les deux choses principales, c'était de composer et de faire de la scène. Sur la scène, pour moi, c'est... je sais pas, c'est... ma façon de m'exprimer, de communiquer avec les gens. Et je dirais même que la scène, pour moi, c'est plus facile que la vie, en fait. Ouais. Voilà. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui communique relativement facilement en dehors de la scène. Oui, oui, mais en fait, je sais pas... Bah, la scène, c'est... On peut pas dire que vous êtes un grand timide, par exemple. Bah, dans la vie, c'est pas... Je suis quand même moins à l'aise que sur la scène. Mais en même temps, sur la scène, j'ai le trac aussi. Hein. Enfin, c'est bizarre tout ça, c'est bizarre. C'est quoi ? C'est le fait aussi de maîtriser parfaitement ce que vous donnez sur scène, autant la composition que le chant, que la musique ? C'est de... En fait, c'est l'idée, c'est de... Qu'est-ce qui me plaît dans la scène ? Bah, c'est... En fait, c'est... C'est d'inviter le public à venir découvrir mon univers, en fait. Mmh. Parce qu'en fait, j'ai un univers qui a du mal à être classé. C'est pas de la musique manouche, c'est pas du rock'n'roll, c'est pas du flamenco. Enfin, il n'y a pas de nom. En fait, moi, du coup, j'ai inventé ma propre formule. J'appelle ça de la French World Music. Voilà. Mais c'est vrai que, en fait, le fait d'amener... vous faites de la musique instrumentale, vous faites la première partie d'un groupe comme Trust, comme FFF, comme Santana, et puis que vous voyez quand même 5 000, 10 000 personnes qui sont contents de... Bah c'est... Moi, ça me fait un plaisir énorme. Ah. Et il n'y a rien de... Enfin, c'est pas égocentré. Enfin, oui, c'est pas égocentré. Ouais. C'est pas égocentré, non. C'est voilà, mon travail, c'est ça. Ah. Moi, je passe mon temps à penser à ça pour vous apporter ça. Ah. Voilà, en fait. C'est dans quel moment de votre vie que vous avez pu penser que ça serait un métier, justement, la musique ? Eh ben, c'est justement à partir du moment où j'ai fait le point pour savoir vraiment ce que j'aimais dans la musique. Ouais. Donc, après l'arrêt de Swingadger, ouais. le groupe que vous avez monté à Lille. Mm-hmm. On y reviendra sans doute tout à l'heure. En attendant, le prochain morceau de votre liste, François Petit. Jacques Higelin, dans votre liste, pourquoi ? Parce que la chanson, c'est finalement pas quelque chose auquel vous vous êtes attaqué. Non, en fait, encore une fois, Jacques Higelin, la première fois que je l'ai vu sur scène, je vais avoir 22 ans, c'est sur la grande place de Lille. il avait, c'était le concert Jacques Higelin avec trois invités. Il y avait Thomas Fersen, il y avait Paul Persson et la chanteuse qui jouait avec Goldman, Frédéric. Frédéric. Voilà. Et quand j'ai vu ce spectacle-là, je me suis dit, oh, mais quand je serai grand, je voudrais faire ça. Parce qu'en fait, Jacques Higelin, pour moi, c'est le vrai artiste avec un grand A. Et qui est d'une générosité pour son public incroyable. Alors après, bon, je l'ai vu d'autres fois où il était moins généreux, mais en tout cas, sur 10 fois où j'ai pu le voir, il y a 6 fois, c'était incroyable. J'ai trouvé ça fou. Ouais, Jacques Higelin, qui était un habitué des concerts qui n'en finissaient pas, même s'il jouait peu de musique, il parlait énormément. Il avait toujours des histoires incroyables à raconter, quelquefois ça s'éternisait. Évidemment, mais comme tous les personnages comme ça. Un peu fantasque. Il y a aussi des choses qui sont. Mais en même temps, il était d'une générosité avec son public, qui était quand même folle. Franchement, c'est rare. Quelqu'un que vous avez rencontré dans votre parcours d'artiste ? Oui, on s'est croisé une fois au festival Parole et Musique à Saint-Étienne. Mais j'étais trop intimidé. Puis il était vachement grand. Moi, je suis déjà grand, mais lui, il était encore plus grand. J'étais dégoûté. Donc, du coup, c'était encore plus intimidant. Je le disais, la chanson, c'est pas forcément quelque chose auquel vous vous êtes attaqué, même si, avec le Little Balouf, il y avait quelques chansons dans le répertoire que vous avez monté avec Lopez. Il y en a aussi quelques-unes, mais c'est vrai que c'est pas votre fond de commerce, la chanson. En fait, la chanson, si, j'adore ça. En fait, j'en ai écrit plein. J'ai même sorti un disque. Mais je pense que j'étais trop en avant sur mon temps. Vous voulez dire sur Yves Montagne? Non, mais c'est compliqué, la chanson. Je sais pas. N'empêche que vous avez composé pour des chanteurs. Je pense notamment au travail que vous avez fait et à la collaboration avec Louis Lantoine, qui s'est échelonné sur pas mal de mois. Je crois que vous avez monté un répertoire que vous avez joué un an avec lui. Oui, on a bien tourné. La chanson Pierrot, c'est vous qui en êtes l'auteur de la musique. Je le disais aussi en début d'émission dans le portrait que j'ai dressé de vous. Agnès Jaoui aussi a repris certaines de vos compositions dans son premier album. Vous avez quand même collaboré pas mal avec des chanteurs. Oui, puis même encore maintenant, moi je suis toujours en demande de textes, de composer pour des chanteurs. J'adore ça. L'écriture de textes, c'est compliqué pour vous ou pas? Oui, c'est compliqué, mais j'adore ça. Mais en fait... On écoutait Brassens, Brel, Ferrat. Les textes, c'est quand même pas de la gnognotte, quoi. Vous voulez dire que à partir de là, c'est tellement impressionnant que ça coupe les ailes? C'est pas que ça coupe les ailes, mais en même temps, ça demande une exigence. Ouais. Ça demande un peu plus que elle est jolie, elle est belle, je voudrais l'embrasser, quoi. Enfin, il me semble. Et donc, en fait, ça me demande quand même. Autant j'ai des chansons qui ont été écrites très vite, autant il y en a d'autres, c'est quand même. Ça me demande beaucoup, beaucoup de temps. Et faut s'y remettre. Ah oui, mais en même temps, c'est un état que j'adore. Quand j'ai le thème, quand j'ai la forme, et je suis capable de rester, je sais pas, une semaine à chercher un mot, et j'adore. Dans votre travail de compositeur ou d'auteur, mais ça fonctionne comment? C'est des fulgurances, ou vous avez un cadre très précis, où vous travaillez régulièrement? Non. C'est des fulgurances. Oui, il n'y a pas de recette. Si on avait une, comme dirait, c'est Kate Richard qui dit, on attend qu'un ange passe devant nous, et on essaie de le choper. Moi, j'attends pas trop. Non, mais en fait, oui, il n'y a pas de recette. Après, c'est clair que les gens qui ont des méthodes de travail arrivent peut-être. Nicolas Jules, par exemple. Ah. Il me racontait que lui, tous les matins, il écrivait. Bon, voilà. Non, pas moi. Par contre, je suppose que l'entraînement à la guitare, ça, c'est quotidien. Beaucoup moins maintenant. Beaucoup moins maintenant. Ouais. Là, je vous dis, je me mets à rapprendre le solfège, à me remettre au piano. Parce qu'en fait, j'ai un objectif, c'est de faire une orchestration de 10 de mes anciens morceaux. Voilà. Ah ouais. Une orchestration pour orchestre symphonique. Et du coup, comme je suis parti de pas grand-chose, je reprends tout à l'envers. Voilà. Ouais. Donc il va falloir d'abord que vous réécriviez vos morceaux sur partition. C'est exactement ça. Pour le faire jouer par l'orchestre symphonique. On voit que This Town, sur le premier album des Stray Cats, le trio du guitariste ahurissant Brian Setzer, qui jouait avec cette espèce de grèche complètement magnifique, rouge étincelant, et vraiment le retour du rockab au début des années 80. Pareil, ce style de musique, il vous arrive comment? Je ne sais plus comment la première fois que j'ai entendu les Stray Cats. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Brian Setzer, pour moi, avec sa guitare, il mêlait un peu la science du jazz, l'énergie du rock. Puis c'était fun, ça paraissait simple, facile. C'était beau, c'était joyeux. Voilà, j'ai adoré. Avec la simplicité qui était aussi symbolisée par la contrebasse et par ce batteur qui jouait carrément que sur des cymbales et une caisse claire. C'est ça. C'est le strict minimum. Et puis ça fait un boucan d'enfer. Et ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait rire tout le monde. Ça fout de la joie à tout le monde, mais je trouve ça génial. Et Brian Setzer, qui a continué sa carrière pendant très longtemps, en dehors des Stray Cats, une fois que le groupe s'est arrêté, et qui là est parti sur des swing machines, où il jouait avec la même guitare, mais avec des swing machines complètement phénoménales, 15, 20, 25 musiciens, et il faisait quand même toujours du rockab. C'est un big band de fou, ouais. C'est un big band de fou. Oui. Il faisait, de toute façon, son style, c'est quand même rock, rockabilly, Gene Vincent, tout ça. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah si. Pendant la tournée des Grands Ducs que j'ai faite au mois de mars, j'avais un invité tous les soirs différents, et j'avais demandé à une jeune chanteuse toulousaine qui s'appelle Mélanie Lesage. Oui. Et je lui avais composé une chanson bien de rock'n'roll. Et puis je lui avais dit, écoute, si tu veux faire 2-3 reprises, dis-nous lesquelles. Et il y avait les Stray Cats. Ah ouais, voilà. Ouais. Mélanie Lesage, qui fait partie de Damantra. Voilà, c'est ça. Un groupe tendance plutôt hard rock. Oui, c'est bien hard rock. Qui va bientôt sortir un album. Il est annoncé pour dans pas très longtemps. Et qui fait aussi partie d'un groupe à tendance nettement plus chanson folk sous son nom. Oui, c'est ça, oui. Mélanie Lesage. Ouais. Une des jeunes artistes toulousaines qui est en train de monter. Vous parliez de cette tournée des Grands Ducs qui vous a permis quand même de faire un peu le résumé de 25 ans de carrière avec Samara Balouf. Et ce qui est drôle dans la liste que vous nous avez amenée aujourd'hui, c'est que on en est au 9e morceau, on va écouter maintenant le 10e, et à part le premier morceau qui a entamé cette liste où vous nous dites que c'est le premier souvenir marquant de votre enfance en termes de musique, dans ce morceau de Matelot Ferré. On n'a pas entendu encore de swing manouche. Pour le moment, ça n'existe pas encore dans ce que vous nous avez proposé. Bah oui. Ben ouais. Et ce manque va être vite réparé, mais c'est vrai que votre avant de découvrir donc ce style, le swing manouche que vous avez découvert avec Arnaud Van Lancker, vous allez nous en parler dans deux minutes, cette musique-là n'existait quasiment pas dans votre parcours d'apprenti guitariste. Bah si, évidemment, si, il y avait les relevés de Django Reinhardt. De Django Reinhardt dans Guitar Magazine, encore ouais. Une fois, toujours la même chose. Mais c'est pas ce qui m'a attiré en fait. Ouais. Autant le coup de cœur, je l'ai vraiment eu pour Matelot Ferré, qui après, je me suis intéressé beaucoup plus à sa musique, à sa famille aussi, parce que c'est une grande famille. Ouais. Autant Django, c'est bon, évidemment, c'est exceptionnel. Pour moi, le manouche et le tzigane, c'est un peu rassemblé. Et dans le manouche, parfois, c'est un peu trop beaucoup de virtuosité qui me beaucoup trop technique. Oui, qui me touche beaucoup moins. Qui me touche moins. Allez, dixième morceau de cette liste, de votre liste, François Petit. Gens qui m'écoutaient, que j'éclairais votre cécité, il est urgent de vous provoquer sans tact. Tenir à votre cupidité m'oblige fort à me révolter, il est grand temps de retrouver Aztec. Chrysomanie est réclamée, pour tous les pauvres il faut lutter, à tyrannie du fric je contre-attaque. Quand ma femme m'a bien aimé, les vanités de société qui de mon âme versuit qu'on nomme Aztec. Nous les Français viennent notre histoire. Et le tzigane, on y arrive avec ce morceau Chris Romani de Swing Gadget, ce groupe dont vous avez fait partie et vous êtes à l'origine de sa création avec Arnaud Van Lancker, musicien qui a énormément compté dans votre parcours. Moi, je l'appelle mon père spirituel, alors, carrément. Ouais. Ben, en fait, je l'ai rencontré en arrivant à Lille, où je voulais arrêter la musique. Vous alliez à Lille pourquoi ? Donc là, vous sortiez du CIM à Paris et vous alliez à Lille pourquoi ? Ben pour voir du pays. Pour accompagner mon épouse. Ah, ben, oui. C'est qui n'était pas encore mon épouse, mais voilà. Oui, c'est une bonne raison. Elle était partie faire des pige à France 3 à l'époque, et puis on habitait à Paris, puis elle me dit écoute, moi je pense que je vais rester à Lille. Bon. Puis comme Paris. Donc je suis allé là-bas et un jour elle me parle d'un accordéoniste qu'elle avait croisé et il faisait une espèce de soirée un peu événement dans un petit bar. Et j'y vais. Et en effet, je vois le phénomène et il y avait une guitare à côté, je demande si je peux prendre la guitare. On fait le bœuf jusque pas d'heure, comme dit la légende. Et le lendemain, je le croise dans la rue, et il me regarde, il me dit « Hey, salut, j'ai un truc à te proposer, on va monter un groupe, ça va s'appeler Swing Gadget. » Je dis « Ah bon, d'accord, allez, ok. » Et voilà, l'aventure a été... Et donc, c'est lui qui m'a... Lui, il était gitan. Enfin, il est gitan. Et c'est lui qui m'a fait découvrir un peu vraiment... toutes les musiques tziganes au sens large, hein, ça part de l'Inde, comme mais toujours avec une volonté de faire ça d'une façon populaire en fait, populaire. Et Swing Gadget, c'est autant de la musique tzigane qui n'est pas sans rappeler ce que faisaient à l'époque les Négresses Vertes, par exemple. Il y a un côté festif aussi, un peu comme ça, politique et festif. Ouais, ouais. Et en même temps, c'est de la chanson sur quasiment tous les morceaux. Et alors, dans les dernières versions, oui, mais nous, à l'époque, c'était quand même très instrumental. Nettement plus instrumental. Ouais. Un groupe qui va vous occuper pendant 6 ans. Bien 6 ans. Avec des albums, mais aussi avec plein de concerts. Et c'est là que vraiment vous découvrez la scène, avec Swingadjé. Oui, moi, c'est pas que je découvre la scène, c'est que je me dis... En fait, il y a moyen de faire de la scène d'une façon ludique, drôle et pas de faire n'importe quoi. Voilà, ça me fait prendre une autre conscience de la scène en fait. Donc là, vous êtes à Lille, il y a Swingadjé. Je suppose que c'est à cette époque aussi que vous rencontrez Loïc Lantoine, avec lequel vous travaillez un petit moment, autant sur scène que sur de la composition des musiques de certaines de ses chansons. Et puis, il y a ce que je racontais en début d'émission. On vous demande d'aller animer 3 soirées musicales dans le cadre d'un festival de cinéma autour des Tziganes. Vous faites ces 3 concerts. Et suite à ça, vous décidez de rester à Amiens pour monter Samara Balouf. En fait, ça faisait déjà 2 ans que j'habitais à Amiens et que j'avais arrêté Swingadjé. Et là, je voulais écrire que des chansons à cette époque-là. Je voulais plus toucher de guitare. Et il y a le café-concert. Savait que j'avais fait de la musique manouche tzigane. Donc, il m'avait demandé, dans le cadre de ce festival-là, de faire 3 soirées. Et donc, comme j'avais composé déjà une paire de morceaux pour Swingadjé, je me suis dit, pourquoi pas, allez. Et donc, ma femme, elle s'est mise à la contrebasse, exprès pour ça. Le guitariste, c'était le mari de la fille qui gardait vos enfants. Voilà, c'est ça, à la crèche. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Et en fait, ça a décollé direct. Donc ça, c'est la première version de Samara Balouf qui va se stabiliser très très vite avec un autre guitariste et un autre contrebassiste. Et là, vous allez partir pour 15 ans quasiment de concerts un peu partout. D'abord la Picardie, puis l'Hexagone, et puis des tournées que vous faites au Mexique, aux États-Unis, en Europe, au Canada. C'est vrai que la carrière de Samara Balouf a été riche, et aussi de concerts à l'extérieur de la France. Oui, parce qu'en fait, comme c'est une musique instrumentale, et en fait, j'écris aussi les morceaux, je les compose aussi un peu comme des chansons. En fait, aussi, c'est des chansons un peu sans parole, mais dès qu'on donne un petit peu des clés, tout le monde s'y retrouve. Et en fait, avec mon côté j'aime bien communiquer, c'est-à-dire que même dans n'importe quelle langue, même si je la parle n'importe comment, dans tous les cas, j'essaie de communiquer avec le public. Et en fait, voilà, ça, on a vécu des moments incroyables en Tunisie, au Mexique, évidemment. Et aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, beaucoup. Cette musique, j'ai cru comprendre que 5 années de suite, vous êtes allé jouer plusieurs fois aux États-Unis. On avait un agent. On avait un agent à New York, parce que là-bas, pour tourner là-bas, il faut avoir un agent. Et donc, on en avait un qui nous a fait tourner pendant comme des fous. Comment les Américains recevaient cette musique qui est quand même très européenne? Ils adoraient. C'était un truc de fou. Ouais. Après, il y a le côté festif aussi. Hein, on propose aussi dans les concerts de Samara Balouf, il y a des moments tendres, mais c'est quand même, on essaye quand même toujours de rigoler. Il faut rigoler. Et puis, c'est un sacré melting pot quand même, votre musique et les compositions que vous faites. Parce que c'est vrai qu'il y a ce fond tzigane, il y a ce fond manouche, mais il y a quand même du rock, il y a quand même de la country. C'est vrai que. Depuis les USA, moi j'ai découvert la country aux USA et dans les festivals avec. Le festival de Lafayette, par exemple, on y allait jouer 2 fois. Donc ça doit être à la Nouvelle-Orléans. Mais c'est un truc de dingue. Vous voyez des virtuoses à la mandoline de 14 ans qui jouent comme des princes. Quoi. C'est du jazz qu'ils font. Et c'est vrai que c'est aussi peut-être cette idée du melting pot qui doit plaire aussi aux Américains, par exemple. Peut-être. Peut-être, peut-être. Donc Samara Boilou, vous l'avez arrêté au milieu des années 80, au milieu des années 2010, ouais. Vers 2012-2013, dernier concert qui a eu lieu pas très loin d'ici, de cette version-là de Samara Boilou, à la salle du Cap, si je me souviens ouais, bien. C'est à la salle du Cap. Sur le campus de Paul Sabatier. Suite à ça, vous arrêtez Samara Boilou, vous montez le Grand Boilou, dont là, c'est une formation d'une dizaine de musiciens, avec une musique qui s'ouvre un peu plus aux musiques du monde. En même temps, il y a le Little Boilou, qui est une forme plus resserrée de votre musique. Et puis, vous avez finalement remonté Samara Boilou il y a 3-4 ans. C'est quoi qui vous a décidé à repartir avec cette histoire, dans une forme en quartet dans un premier temps, et maintenant, vous êtes revenu à un trio? Alors, en fait, mes expériences avec Little Boilou et le Boilou, mmh. En fait, le principe, c'était d'essayer de faire une espèce de rétrospectif du bal. Ah. Donc ça partait de la Java à l'électro. Et ce qui m'a donné envie de remonter un Samara Boilou, c'était le côté encore plutôt expérimental, parce que j'avais rencontré un contrebassiste, Michel Sanslaville, et ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec des cordes frottées, violon, violoncelle. Et donc, voilà, j'avais trouvé un super violoniste, une violoncelliste. Et donc, voilà, je me suis dit, pourquoi rechercher encore un autre nom? De toute façon, c'est ma musique. Et voilà, donc voilà. Je suis reparti sur Samara Boilou. Et donc, Samara Boilou est reparti. En même temps, il y a cette histoire du François Petit quatre têtes qui n'aura pas eu une très grande vie. Non. Votre groupe de jazz. Non. Et en plus, c'est étonnant parce que j'ai réécouté le disque il y a deux jours parce que... on va peut-être faire un projet avec la Colombie là, uh-huh. Et avec un accordéoniste, et donc je lui ai parlé de ce disque là et du coup il a fallu que je lui envoie. Et en fait, je suis plutôt assez fier de ce disque-là. Avec quelque chose qui est étonnant sur ce disque, c'est une commande d'un collectif dont vous faites encore partie, ou vous avez fait partie Tirlen, un collectif de musiciens. En fait, le collectif Tirlen, c'est quelque chose qui a été monté par Arnaud Van Lancker. Voilà. D'accord. C'est une grande famille. Il y a une cinquantaine de musiciens qui tournent autour de tout ça, et donc il m'avait commandé un spectacle, mais à mon nom. Ah. Moi qui me suis toujours caché derrière un nom. Et donc, du coup, il voulait que je fasse un quatre-tête, un quartet. Et donc, j'allais une fois par mois pendant un an à Lille pour, Pour travailler avec les musiciens de la compagnie. Et on a fait ce disque-là qui était super, en fait. Et bien en fait, oui, ça n'a pas plus décollé que ça. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à Toulouse? Eh bien, toujours la famille, l'envie aussi de... De changer d'air? De changer d'air, ouais. Ah. D'aller dans des endroits un peu plus... sec. À l'époque. Ouais, bientôt ça va être plus que sec. Ouais. Maintenant ça va être un peu plus que sec, ouais. Comment vous l'avez trouvé, la scène toulousaine en arrivant? Eh ben en fait, j'ai mis beaucoup de temps à la connaître parce que, tout simplement, comme j'étais toujours sur la route, quand je rentrais, je m'occupais de ma famille, mais en fait, je sortais pas énormément. Et c'est ensuite avec Serge Lopez que j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes. Et puis après, c'est vrai que je me suis mis à sortir pas mal, à écouter des concerts un peu partout aussi. Ouais. Et c'est vrai que Serge Lopez, le duo continue, je le disais tout à l'heure, il y a peut-être un album qui va commencer à s'enregistrer. Il y a le Samara Boilou qui continue. Vous étiez sur 13 scènes différentes au mois de mars et d'avril pour fêter vos 25 ans d'aventure avec Samara Boilou. Et puis, on peut vous souhaiter plein d'autres choses. Apparemment, il y a un projet avec la Colombie. Vous venez d'en dire deux mots. Tout ça, en fait, vous savez, les musiciens, on a une dizaine de projets, et puis au fur et à mesure, ils s'illuminent. Donc là, ça écrème. Là, pour l'instant, en fait, il y aura un projet avec la Colombie, là, qui pourrait être vraiment super. J'ai un projet aussi avec, je vous dis, d'arranger 10 pièces, 10 morceaux de ma composition, mais en version symphonie. Et puis j'aimerais bien quand même réussir à enregistrer tous les morceaux que j'ai composés pour cette tournée-là. Ah. Parce que le principe, il y avait un invité différent par soir pour lequel je composais minimum un morceau. Donc il y a quand même une vingtaine de morceaux que j'aimerais bien essayer de mettre sur une bande. Très bien, et ça c'était des morceaux originaux pour ceux qui les ont vus lors de ces 13 concerts éparpillés sur un mois et demi qui ont eu lieu donc entre mars et avril 2023. Bah écoutez François Petit, on va peut-être en rester là pour ce soir en vous souhaitant une bonne continuation sur vos divers projets, notamment le symphonique. Ça va être du boulot. Merci d'être passé dans ce studio. Merci à Thomas Delafosse d'avoir réalisé et mis en onde cette émission. Merci également à Loïc Antoine d'en avoir composé le générique original. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très très vite pour une nouvelle liste. Salut les filles.